Le roi Porsmar, aux oreilles de cheval, une effilochée de queue de bœuf au blé noir. Écrit par Hélène Duguay-Souvraz, lu par Armen pour diocité.net. Il vous faut apprendre, je crois, comment il était une fois un roi qui portait le nom de Mar, roi de Porsmar. Mar signifie, comme vous le savez, cheval en langue bretonne. Ce roi Mar avait son palais à Porsmar, près de Douarnenez. Mar, roi de Porsmar, possédait un cheval comme jamais on en a vu, et jamais on n'en verra de semblable en ce bas monde. Crinière au vent, il faisait des bonds si légers à travers les landes, par-dessus les montagnes, et d'un bord à l'autre des vallées, que ses sabots ferrés d'argent ne laissaient même pas de traces dans le sol. Il galopait aussi bien sur l'eau que sur la terre ferme, et les vagues de la mer en furie ne l'arrêtaient pas. C'est pourquoi le cheval de Mar, roi de Poulmar, était appelé Morvar. Ce qui, vous ne l'ignorez pas si vous avez un peu d'instruction, signifie « cheval marin ». Un jour qu'il était parti avec toute sa cour chasser en forêt de Néved, il aperçut à l'oreille d'un lion une biche blanche, la plus belle qu'il eût jamais vue. Il s'élança à sa poursuite. Les autres gens de la chasse furent bientôt distancés. La biche, le cavalier et sa monture finirent par atteindre le rivage de la baie de Douarnenez. Ne pouvant aller plus loin, la biche fit un bond prodigieux jusqu'à un rocher qui se dressait au-dessus de la mer. Elle restait là, haletante, tournant vers le chasseur ses grands yeux de velours d'où s'écoulait une larme. Le roi Mar, impitoyable, tira une flèche de son carquois, banda son arc et lâcha son trait. La biche saisit au vol la flèche entre ses dents et la rejeta vers le chasseur. La pointe de fer vint frapper le cheval Morvar au beau milieu du poitrail. L'animal poussa un hennissement de douleur, désarçonna son cavalier, s'effondra sur le sol, roula et dévala du haut de la falaise jusque dans les flots. Une rage infinie s'empara de Mar. Dégainant son poignard de chasse, il descendit dans la mer et, de l'eau jusqu'aux cuisses, s'avança vers la biche blanche qui se transforma incontinent en une sublime jeune fille, à la chevelure d'or couronnée d'algues, aux yeux verts émeraudes limpides comme l'onde. Voyant qu'elle portait suspendue à son cou par une chaîne d'or une grosse clé rouillée, Mar comprit qu'il avait affaire à Dahu, la funeste et vénéneuse princesse d'Is. « Remercie-moi, Mar, roi de Ploumar, lui dit-elle, de t'avoir laissé la vie alors que tu ne cherchais qu'à me prendre la mienne. Pour te punir de ta cruauté, tu porteras désormais la crinière et les oreilles de ton cheval Morvar. » Avec un grand éclat de rire, elle plongea dans l'onde salée et nagea jusqu'au cadavre de l'étalon, lui rendit la vie d'une pichenette, elle l'enfourcha. Il se cabra et broua une tête dépourvue de sa belle crinière et désormais dotée d'oreilles humaines ridicules. Avant de partir au galop sur les crêtes des vagues, la maléfique sirène d'Is mugit. Le roi Mar les oreilles du cheval Morvar. Et l'écho répéta moqueur. Le roi Mar les oreilles du cheval Morvar. Le souverain porta les mains à sa tête avec effroi. Il était bien affublé des oreilles poilues de son étalon noir et une longue crinière flottante lui pendait jusqu'au milieu du dos. Il mit son manteau sur sa tête et attendit la nuit pour rentrer discrètement à pied à Porsmar. Pénétrant dans le palais par une porte dérobée, il ordonna à travers la porte de sa chambre à ses valets de tendre au milieu de la salle du trône un rideau que personne ne devrait franchir sous peine de mort. Il se tiendrait derrière ce rideau pour écouter les requêtes et les rapports de ses courtisans et de ses officiers qui demeureraient de l'autre côté. Il envoya quérir un coiffeur qui lui ramena cet ornement insolite à de plus raisonnables proportions. Sans état d'âme, le roi lui trancha la gorge dès qu'il eut donné le dernier coup de ciseau pour s'assurer de son silence. Une semaine plus tard, l'écrin avait repoussé. Il fit venir un autre coiffeur, et, son travail fait, l'occit comme le premier. Les semaines se succédèrent, et la même scène régulièrement se répétait. Une bonne vingtaine de maîtres coiffeurs, garçons coiffeurs et apprentis coiffeurs, passèrent ainsi de vie à trépas, tant et si bien qu'il n'en resta plus un seul dans tout le royaume. De fait, il en restait tout de même un, l'ultime. Il s'appelait Yönig et avait été longtemps le coiffeur attitré du roi qu'il aimait bien. La pensée de devoir lui couper le cou lui était très désagréable, mais la crinière s'allongeait, descendait jusqu'à terre et commençait à traîner dans la poussière. Il ne pouvait plus y tenir et finit par se résoudre à envoyer chercher Yönig. « Que n'avez-vous fait appel à moi plus tôt? Je possède des ciseaux enchantés qui m'ont été remis par une fée à qui j'avais rendu quelques services. Les cheveux ou les crinières coupées avec ces ciseaux ne repoussent jamais plus. Yönig, tu es mon sauveur. Coupe-moi vite cette tignasse avec tes ciseaux magiques. » « Votre Majesté me promet-elle de me laisser la vie ?»« Mais bien sûr, cher Yönig, bien sûr. Jure-moi seulement que tu ne confieras à personne, quoi qu'il arrive, que j'ai les oreilles de mon cheval Morvar. » Yönig jura. Il coupa la crinière avec ses ciseaux enchantés, et plus jamais la crinière ne repoussa. Restaient les oreilles, toutefois. Les sujets, cependant, au royaume du roi Mar, étaient fort intrigués. Quel secret pouvait détenir le perruquier Yönig, qui était si grave qu'il avait coûté la vie aux autres perruquiers? Sollicité de toutes parts, des gens de cour au manant, il ne flancha pas et refusa de répondre. Mais son secret l'oppressait de plus en plus. Les mots « Mar » à des oreilles de cheval lui démangeaient la langue. Il lui fallait faire un effort considérable, de plus en plus considérable, pour les retenir. S'il avait pu les crier, ne serait-ce qu'une seule fois, il se serait senti délivré. Mais il ne voulait même pas le faire au fond des bois, car les feuilles des arbres auraient pu les répéter. Il ne voulait pas le faire au bord de la mer, car les vagues auraient pu les redire. Il ne voulait même pas le faire au sommet du solitaire et chauve Meneum, car le vent aurait pu les emporter avec lui. Un jour, n'y tenant plus, il s'en fut jusqu'à la plage de la Palude et creusa dans le sable un trou profond, mais pas plus large que sa tête. Il y enfouit son visage et hurla « Le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar !» Puis il s'empressa de reboucher le trou avec du sable qu'il tassa soigneusement. Alors il soupira d'aise. Il se sentait soulagé. Il prêta l'oreille. Ni le vent soufflant sur la dune, ni la houle qui déferlait sur la plage ne répétaient son secret. Il n'avait pas été entendu. La paix sauvage, la paix d'éternité de l'infertile grève n'avait pas été troublée. Par la suite, trois roseaux poussèrent à l'endroit même où Yönig, le coiffeur du roi, avait enfoui son trop lourd secret. Un jour vint où Mar maria sa sœur, la douce Blenwen, au roi de Léon Rivalin. Sa dignité exigeait bien sûr qu'à cette occasion, il donna des fêtes magnifiques et y convia tous les rois, reines, princes et princesses d'Armorique. On avait fait venir pour la noce les meilleurs sonneurs de bombardes et de binious de tout le pays breton. Malheureusement, ces talentueux artistes, assoiffés et affamés comme tout sonneur qui se respecte, s'étaient précipités dès leur arrivée au palais la veille du mariage sur tout ce qui pouvait se manger ou se boire et avaient l'infortune de se trouver à leur portée. Ils n'avaient pas respecté les petites provisions préparées comme tous les soirs sur les coins de table, dans la cheminée et à l'entrée de l'écurie, à l'intention des Corrigan familiers. Ceux-ci, en arrivant vers minuit pour balayer les grandes salles du palais et faire la toilette des chevaux, furent très dépités de ne trouver ni crêpe beurrée ni lard à se mettre sous la dent, non plus que la moindre goutte de lait ribot, de cidre ou d'hydromel pour s'humecter le gosier. Ils résolurent de se venger. Oh, sans méchanceté, car ils étaient seulement espiègles. Ils n'imaginèrent rien de mieux que de subtiliser les hanches de tous les bignous et de toutes les bombardes. On imagine l'affolement lorsque les sonneurs voulurent accorder leurs instruments avant de donner la branle aux premières gavottes. On chercha dans tous les coins les hanches disparues, et lorsqu'on eut définitivement perdu tout espoir de remettre la main dessus, on courut de tous côtés à la recherche de quelque chose avec quoi on pourrait en confectionner de nouvelles. C'est alors qu'un jeune garçon du pays, fils de pêcheur, signala qu'il avait remarqué sur la grève de la palude trois magnifiques roseaux qui s'y prêteraient admirablement. On envoya aussitôt les meilleurs marins de Poulmar sur le meilleur bateau quérir ces trois roseaux. Ils furent bientôt de retour, et il y eut de quoi faire des hanches pour toutes les bombardes, tous les chalumeaux de bignou et tous les bourdons. Le maître des cérémonies, qui se rongeait d'impatience, donna immédiatement le signal de commencer les danses. Les bignous soufflèrent dans leurs outres, les talabardaires portèrent leurs bombardes à leurs lèvres, et yao, en avant la musique. C'est alors que la stupeur se peignit sur tous les visages des invités de la noce. Au lieu de sonner, les bombardes et les bignous à l'unisson clamaient « Le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar !» Tous les regards se tournaient vers la tente où se tenait le roi. Au milieu des murmures et des rires étouffés, la jeune mariée s'avança bravement vers cette tente et demanda « Est-ce vrai, mon frère, que vous avez les oreilles du cheval Morvar ?» On vit alors le roi, rouge de honte, sortir en courant, arracher l'écharpe qui dissimulait ses oreilles poilues et s'enfuir en criant « Oui, c'est vrai, Mar a les oreilles du cheval Morvar !» Il embarqua vers la Grande-Bretagne chez son cousin le roi Arthur et ne remit jamais les pieds au pays de Porsmar. Le roi Porsmar faisoit mourir tous ses barbiers de peur qu'ils racontassent au public qu'il avoit des oreilles de cheval. L'intime ami du roi venoit de le raser, il avoit juré de ne pas dire ce qu'il savoit, mais ne pouvant résister à la rage de raconter ce fait par le conseil d'un sage, il fut le dire au sable du rivage. Trois roseaux naissent dans le lieu, les bardes en firent des hanches de hautbois qui répétoit « Porsmar, le roi Porsmar a des oreilles de cheval ». Jean-Jacques le Maguerez, né à Beau vers 1770. J'ai parcouru les dictionnaires au mot « gourmandise » et je n'ai point été satisfait de ce que j'y ai trouvé. Ce n'est qu'une confusion perpétuelle de la gourmandise proprement dite avec la gloutonnerie et la voracité. D'où j'ai conclu que les lexicographes, quoique très estimables d'ailleurs, ne sont pas de ces savants aimables qui embouchent avec grâce une aile de perdrix au suprême pour l'arroser, le petit doigt en l'air, d'un verre de vin de Lafitte ou du Clos Vougeot. Briat Savarin, Physiologie du goût, 1826. Donc, c'est avec une infinie gourmandise qu'on partagera une queue de bœuf de Highland Cattle du ranch de Kerbongou, fondante au sel fumé épicé de Norvège, à l'oignon rosé de Roscoff et aux graines de blé noir torréfié, qu'accompagnera outre une lichette de ketchup de butternut un beaujolais nouveau tout à fait de saison. La gourmandise n'est donc pas un vilain défaut. Au menu, pour se remettre de ses émotions, effiloché de queue de bœuf Highland Kettle aux graines de blé noir. Pour deux assiettes, celle du roi Porcemar et de son coiffeur Yannick, une queue de bœuf Highland Kettle bio du ranch de Kerbongou. Un bouquet garni, thym, laurier, persil, romarin, un poireau, une carotte, un oignon, une branche de céleri, 300 g de graines de blé noir bio, sel de Guérande, poivre du moulin, un pot de ketchup de butternut. Préparez le bouillon de pot-au-feu avec les légumes, poireaux, carottes, oignons, céleri, détaillés en petits morceaux, dans 4 litres d'eau, poivrez, salez et y plongez la queue de bœuf. Laissez cuire à petit bouillon pendant 3 heures. Pendant ce temps, faire torréfier à four chaud pendant une quinzaine de minutes les graines de blé noir disposées sur une seule couche dans un plat en tôle. Prélevez 2 litres de bouillon et faire cuire le blé noir torréfié pendant 15 minutes. Égouttez et réservez au chaud. Lorsque la queue de bœuf est cuite, la sortir du bouillon et effilocher la viande à la main. Attention, c'est très chaud. Conservez les légumes du bouillon et le bouillon filtré pour d'autres utilisations, bien sûr. Pour servir, on peut utiliser des cercles à pâtisserie, les poser sur des assiettes et monter les filochés. Graines de blé noir tassées, queue en fine couche, blé noir, puis queue, toujours en fine couche. Quoi qu'il en soit, toujours terminer par la queue. Ôter les cercles, mettre un ruban de ketchup de butternut dessus ou tout autour et servez très chaud, accompagné d'une petite salade de saison, mâche, oseille et crampoise musique.